dans une goutte d'eau. Cherche tous un bon destin. La vie s'écoule entre nos mains. La joie, la peine, notre chemin. Traverser la vie sans billet de train. Traverser la vie sans billet de train. Sur la route. Sur la route. Solitude, la mauvaise paix. Rêver la liberté, jurer qu'on ne s'en ira pas, quand on aura du bien du noir, et ce bonheur qui nous traverse, pour un simple morceau de pain, si tu as faim, en l'air, sur la route, sur la route, sur la route. Sur la route, sur la route. Si c'est pas l'Amérique, ça ressemble cracher de plus haut dans les maisons et les campagnes et mieux leur tourner le dos. On ira vendre nos sacs de roses. On prendra le train du matin. Sur tous les murs il y aura écrit de la justice, de la vengeance, de